موزاییک. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler sécurité au cours des quelques minutes qui vont suivre. Les autorités publiques disent que la sécurité est totale sur tout le territoire national. Et l'on apprend tout de même que des gens se lamentent, ça et là, à Bujumbura comme en province, que les leurs ont été tués, ou enlevés, ou torturés. Les sources renseignent avoir vu un ou des corps sans vie retrouvés dans des rivières, rigotés, etc. Et il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi ces bavures aujourd'hui, dans un état où l'autorité indique que la situation est bonne au niveau sécuritaire? Qui seraient les auteurs? Pour quel fin? Comment et quoi faire pour que tout le monde se sente libre et sécurisé? En vue de tenter des réponses à ces questions, trois invités sont avec nous sur le plateau. Pierre Ngouliquier, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Terence Nahiraja, c'est l'assistant du ministre et en même temps porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers collègues et bonjour chers auditeurs. Il y a également Terence, et notre Terence, mais cette fois Terence Manirambona, un député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amizero Yabarundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. La mise en onde est assurée par Serafina Kizimana. Charles Makoto est à la réalisation et au micro, vous retrouvez Léonce Bitaliho. Mais entre-temps, on s'attendait à un quatrième invité. Il s'agit de Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Il avait promis de participer à cette émission, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Isanganiro, vivant politique, de sécurité, de sport, mieux encore. À tout seigneur, tout honneur, nous parlons sécurité. La première question, je l'adresse à vous, monsieur le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngouliquier. Comment se porte la sécurité au Burundi aujourd'hui? La sécurité se porte globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République du Burundi. Il y a beaucoup de signes qui montrent, qui attestent cet état sécuritaire. La population vaque normalement à ses activités sur tout le territoire et tout indique que le calme est dans le pays. Mais cela ne veut pas dire que il n'y a pas une criminalité de droit commun qui s'observe. Il y a quelques cas de banditisme, il y a quelques cas d'assassinat, des coups et blessures de volontaires qui sont constatés ça et là, qui sont perpétrés par des criminels, surtout pour des fins de règlement de compte, pour des cas de justice populaire, mais aussi pour des conflits fonciers. Oui. Il y en a qui pourraient comprendre difficilement, ou même pas, que la sécurité est bonne. Auriez-vous un écho de là où se trouve un certain Léopold Habarugira, la famille de cet homme, opposant politique du parti UPD Zigamibanga, dit n'avoir pas de ses nouvelles depuis le 12 septembre et il aurait été enlevé en pleine journée. Est-ce que vous auriez un quelconque écho? La famille a porté plainte à la police. Ce qui justifiait la confiance en son corps. Maintenant, le dossier est en train d'être traité par le parquet. Le procureur général de la République s'est exprimé dernièrement et maintenant, je n'ai pas à dire sur un dossier qui est en train d'être traité par le parquet. Mais jusqu'ici, est-ce que vous pouvez confirmer cet homme qui a été cité comme quoi il était en tenue civile lors de l'enlèvement de M. Habarugira? Confirmer ou infirmer, lorsqu'un dossier n'est plus entre les mains de la police, le porte-parole de la police n'est pas habilité à pouvoir se prononcer sur ce dossier. Donc pour le moment, vous n'avez rien à dire sur l'enlèvement de Léopold? Je n'ai rien à dire parce que le dossier n'est pas traité par la police pour le moment. Est-ce que la lecture de la situation au niveau de la sécurité dans le pays, c'est la même chez vous, honorable Terence Manirambona? Bon, je vous remercie. La notion de sécurité, et même de son antonyme, la sécurité, sont des notions qui sont subjectives. Qui dit sécurité, on dirait que c'est une absence de danger. Mais ça devient aussi une impression subjective ressentie par celui qui ne perçoit pas le danger. Dans ce cas alors, moi je peux alors parler que dirait que il n'y a pas de crépitement d'armes, dirait que il n'y a pas de lancement de grenades. C'est vrai, mais sinon on peut observer que la sécurité, comme le sentiment de paix, de quiétude et même de sérénité qu'une personne ressent à n'importe quel endroit où il se trouve, n'est pas du tout garanti. Il y a des éléments qui peuvent le démontrer. Est-ce que vous pouvez nous épingler quelques cas où les vôtres se sentiraient en insécurité? D'abord, c'est un besoin psychologique fondamental de l'homme. Et si alors ce besoin n'est pas satisfait, vous comprenez que l'individu en question ou une organisation en question est en malaise. Alors je veux dire que alors si la sécurité n'est pas garantie, si par exemple on n'a pas le droit, c'est pas l'ouverture d'espace démocratique n'est pas observable, si c'est pas le respect de la loi et surtout et la loi mère, si vous voulez, qui est la Constitution, qui garantit la liberté par exemple d'opinion, d'association, de réunion n'est pas garantie à tout le monde, vous entendez que cette sécurité alors n'est pas du tout garantie au même pied d'égalité pour tous les Burundais. Est-ce que la sécurité ne devrait pas être garantie de la même manière que tous les Burundais? C'est ce qui est étonnant alors. Sinon, je souhaiterais par exemple moi que cette sécurité soit une réalité pour tout Burundais, ce qui n'est pas pour le cas observé. Ce n'est pas une réalité pour tous les Burundais, à en croire, honorable Terence et Manirambona, et au sein du ministère de l'Intérieur. Terence Nailage, qu'en est-il? Merci, messieurs, vous avez posé la question. Nul n'ignore que le gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, mais également d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais, et surtout de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, n'est-ce pas, de la criminalité, de la maladie ou même de la faim. Et vous savez que, comme l'a déclaré déjà le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique, et la sécurité au Burundi est généralement bonne dans toutes les communes du pays, les 119, même toutes les collines, pourquoi pas dans toutes les provinces en général. Mais bien sûr, ça n'exclut pas qu'il y ait quelques cas de criminalité de droit commun, comme il a signalé. Comme ça se passe dans le monde entier, même dans les pays démocratiques et mal développés, la France, les États-Unis, même les autres pays, la Belgique. Même là, si vous analysez les criminalités qui se font annuellement, interrogez l'Internet. C'est comme au Burundi. Vous allez trouver des milliers de criminalités. Le Burundi, c'est très mieux par rapport à elle. Mais comme les yeux sont braqués sur le Burundi, comme quoi, même à ces cas de mort, suscitent le monde entier, mais chez eux, ça n'existe personne. Je vous fais un exemple ces derniers jours en France ou en Belgique. Si Amaro Fetire qui a lancé des grenades, la première chose qu'on fait, on tire. Dis-moi, là-bas, on vous observe en train de tirer une grenade ou de le faire directement, on tire. On n'entend pas les enquêtes qui fait notre police, qui est professionnelle. Alors, c'était pour vous dire, bien sûr, c'est vrai, à part que dans le royaume des cieux, c'est là où on peut vivre en paix, sans aucun problème. Sinon, dans le monde, il y a toujours les bandits, les malfaiteurs existent toujours. C'est pourquoi, dans tous les pays du monde, il y a l'armée et la police pour jouer le rôle justement de traquer les malfaiteurs, de traquer l'ennemi et de lutter contre toutes sortes de factions qui sont faites dans le pays. Vous savez, la paix est là, mais malheureusement, elle est perturbée par la personne elle-même. Ce ne sont pas donc les animaux sauvages qui commettent les péchés, qui perturbent la personne, les hommes. Mais aujourd'hui au Burundi, l'ennemi c'est qui devant qui? Toutes les personnes qui ne veulent pas respecter la loi, qui ne veulent pas respecter les droits de l'autre, la vie de l'autre, ils commettent un péché, ils commettent des factions. C'est une personne comme les autres, mais qui, malheureusement, commet des actes ignobles. Mais là, alors, ce qui est encourageant, c'est que les organes, qu'ils soient de la police judiciaire, sont à l'œuvre pour ramener l'ordre et la sécurité. Et cela, c'est un combat continué dans le monde entier, non seulement au Burundi. Sinon, en général, la situation est bonne. Mais comme vous le savez, quand on parle de la sécurité, ce n'est pas la sécurité de la guerre, des grenades et d'autres. Il y a aussi la sécurité interne de l'homme, dans tous les secteurs de la vie. Là, c'est très important. La paix commence par les familles, par les ménages, la sécurité. Et ça s'éparpille dans tout le pays. On peut ne pas voir qu'il y ait des grenades, qu'il y ait des coups de feu, mais que certaines personnes ont des difficultés. Quand il y a la faim, quand il y a les catastrophes naturelles, il y a un peu qui est perturbé parce que si quelqu'un n'a pas mangé, vous savez, dites-toi à qui on dit que mon darin de la Bogacha Kadjoukiki, il dit go, à ce moment-là, ça veut dire un problème. Mais le gouvernement essaie de tout faire pour que la paix soit consolidée chez nous. Généralement, la sécurité est bonne. Oui, la sécurité est bonne, mais il y a des fois où on trouve un corps par-ci, un corps par-là. On dit avoir trouvé un corps sans vie d'une femme à la rivière, je crois, Gigi. Mm. On parlait d'un autre corps retrouvé dans la Louvre, les bras ligotés. Est-ce que ça, les familles de la victime peuvent dire qu'il y a sécurité dans le pays? Évidemment, comme je vous le dis, je vous ai parlé qu'il y a toujours des malfaiteurs. Nous sommes de la royaume des cieux. Mais j'espère que la police est à l'œuvre pour justement faire des enquêtes et pour tranquilliser et protéger la famille victime. En fait, les cas sont arrivés et ils sont malheureux. Mais j'aimerais vous dire que d'autres cas, il y en aura toujours dans le monde. Ce n'est pas seulement au Burundi. Ah, il y a les sommets qui le terrorisent même. C'est plus que cela. Et Dieu merci, ça commence à se réduire. Et on voudrait que ça ne se reproduise plus, en fait. C'est ça, donc, l'idée, c'est ça, l'aspiration du gouvernement. Mais la police est arrivée pour les enquêtes et elle protège aussi les ménages victimes. C'est pourquoi, en fait, même ces familles peuvent dire que voilà, c'est vrai que. Malheureusement, le mal est arrivé à son ménage, mais sinon, généralement, c'est pourquoi on a dit que généralement la situation est bonne, mais dit-on, on a guère en mode, des problèmes arrivent toujours à telle ou telle personne, mais en général, avoir le nombre de ménages de Burundi, à la population burundaise, généralement, vraiment, on peut dire que la paix, il y a là, mais les quelques problèmes isolés, il y en aura toujours, mais l'important est que nous tous, nous levons pour combattre tout. Malfaiteurs qui commettent de tels actes. Rendons-nous encore une fois au ministère de la Sécurité publique. Monsieur le porte-parole du ministère, Pierre Ngurikiye, combien de temps prennent normalement les enquêtes pour dire qui a tué qui a fait quoi? Le temps que dure une enquête, il est variable. Au niveau de la police, nous avons 7 jours qui peut être prorogé par le parquet une fois. Mais le dossier peut continuer sous forme d'instruction au niveau du parquet. Et puis le parquet peut décider de transmettre le dossier au niveau de la justice. La justice peut aussi peut prendre tout le temps nécessaire à la manifestation de la vérité. Donc c'est très variable. Tout dépend du dossier. On ne peut pas dire qu'il y a un temps qui est là pour qu'on puisse avoir toute la vérité sur un dossier quelconque. Mais je me dis que vous avez vous-même été au courant de ces cas où une femme a été retrouvée morte sur la rivière Gigi, un jeune homme a été retrouvé les bras ligotés dans les eaux de la rivière Louvou, et autres cas dans différents coins du pays. Est-ce que tout se trouve encore dans la phase d'instruction, comme vous l'avez dit? Tout se trouve au niveau de l'enquête. Certains dossiers ont été déjà transmis au niveau des parquets. D'autres sont déjà devant les juges, mais l'enquête continue. La police est au courant de tous les cas de criminalité qui peuvent être constatés sur tout le territoire du pays, parce qu'il y a des rapports de sécurité qui sont dressés par le ministère de la Sécurité publique, qui proviennent des responsables policiers au niveau de toutes les provinces. Donc la police est au courant de tout ce qui se passe au niveau du pays en matière de sécurité. Et c'est sur base de ces rapports-là que le porte-parole de la police communique au public chaque fois qu'il y a un cas de criminalité qui nécessite une lumière. Honorable Terence Manirambona, ça fait un certain temps, certains députés de l'Assemblée nationale ont déclaré avoir été, il y a une députée, une femme députée qui a déclaré avoir été battue par quelqu'un, par des civils, devant des autorités administratives dans une province du Nord. Est-ce que vous en êtes au courant? Bon, je suis au courant de cette situation, parce que la députée en question l'a dite au cours d'une séance en plénière à l'Assemblée nationale, quand nous avions des invités, où il y avait même la ministre de la Justice. Alors, c'est une vérité et que la députée a été battue. Ce qui est aussi étonnant, c'est de voir qu'un élu du peuple puisse être battu au su et au vu des autorités administratives et même judiciaires, et que alors le dossier n'a pas été traité dans l'urgence, parce que vraiment c'est une... Est-ce que le dossier a été traité ou pas? Pas encore. Parce que de dire de cet honorable qui a été battu. On a même saisi son téléphone portable et on lui a demandé même de verser séparément de 50 000 francs. Jusqu'à aujourd'hui, il attend que cette question soit vidée. Le téléphone est toujours gardé? Bon, peut-être, c'est pas encore pour l'heure actuelle, ou si elle a déjà eu son téléphone, mais c'est juste pour montrer que la situation qui s'est produite à cet endroit, vraiment, c'est une, je dirais, excusez du terme, c'est une honte pour un élu peuple de subir une telle, je dirais, agression. Mais aussi, c'est l'un des cas qui s'est déjà manifesté pour les membres de notre groupe parlementaire, des députés issus de la coalition Misère Barundi. Cela a été dit en effet dans cette province, je crois, Kirundo, mais aussi dans la province de Bubanza. Et notre député a été agressé. Il l'a dit en plénière à l'Assemblée nationale. Ah oui. Vous avez été au courant de ça, Pierre Evoulikiye? On a été au courant à travers les médias. On a aussi été au courant que les dossiers sont en train d'être traités par la justice. Et donc, qu'il y ait des actes répréhensibles qui ont été commis par des gens et que la justice fasse son travail, la police trouve cela comme une normalité. Mais donc on peut sentir qu'il y a un certain dépassement des limites. Si on s'en prend aux députés, aux élus du peuple, ça devient un peu grave. Vous savez, tout crime, c'est un dépassement de limites. vous dites qu'il a été, qu'il y en a qui sont agressés, mais ailleurs. Il y en a qui sont fusillés en plein champ, dans des pays même très puissants, tout au monde. Pas seulement des députés. Il y a des présidents qui sont assassinés, fusillés. Donc, pour dire que tout crime, au niveau de la police, un crime, c'est un crime. Et un crime signifie dépassement de la limite, comme vous le dites. Donc, c'est une anomalie. Une anomalie. Vous, Terence Nahila, j'ai apporté parole du ministère de l'Intérieur. Vous avez aussi été au courant de cette situation. Et là, on va toujours dire que la sécurité est bonne. J'ai entendu la concernée essayer de s'exprimer devant l'Assemblée nationale, moi aussi, à travers les médias, sinon... De toutes les manières, elle n'a pas menti. Je ne sais pas, parce que la justice est à l'œuvre, de toutes les façons. La justice est vaincra, de toutes les façons, elle ne peut pas mentir devant les ministres qui étaient là et beaucoup des autres, ça peut être une réalité. Et je voudrais dire, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur de la formation patriotique, tout m'a fait, quelle que soit son origine, parti au pouvoir ou pas, quelle région, quelle province, c'est un malfaiteur. Mm-hmm. Il n'a qu'à se renommer, c'est un malfaiteur. Il faut donc, à mon avis, qu'il soit sanctionné conformément à la loi. C'est là notre position au niveau de notre ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique. Et vous rassurez que tout criminel, tout malfaiteur doit être puni. Mais c'est comme ça, au cas où il est attrapé, à moins qu'on n'a pas pu l'attraper, sinon il faut que la loi soit respectée. Et tant que vous avez la parole, dans la capitale, Bujumbura, on parle également des individus qui feraient partie des comités mixtes de sécurité. Je pense que le porte-parole du ministère de la Sécurité publique en dira quelque chose, mais des gens qui sont impliqués en même temps dans la perturbation de sécurité. N'est-ce pas un problème au niveau de sécurité? Votre question contient une globalisation. Ce ne sont pas tous. Ok, ce ne sont pas tous. D'accord, je suis d'accord. J'aimerais porter la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les membres de ce comité ne sont pas des anges. Les journalistes, vous tous n'êtes pas des anges. Nous, les administratifs, ne sommes pas des anges. Les honorables députés ne sont pas des anges. Et même les autres. Il peut arriver que les héros dérapent et commettent une infraction. Et à ce moment, il faut que la loi soit respectée. Voilà ce que je veux dire. Et ça entache tout le groupe. Pas du tout, c'est la globalisation. C'est ça, en fait. C'est ce qui a causé problème, car certains politiciens s'accusaient mutuellement, comme quoi il y a les jeunes du parti au pouvoir. S'il y a un jeune du parti au pouvoir qui a commis une erreur, il a commis un acte individu, il faut qu'il soit sanctionné conformément à la loi. S'il y a l'autre jeune, l'autre personne, il y a dans la prison. Et les immigrants de la Corée qui sont emprisonnés, il y a les policiers qui sont là, il y a des administratifs qui ont défailli. Souvenez-vous, quelqu'un qui a voulu grignoter sur la somme de l'indemnisation, là, on construit la fédération de la République, où est-ce qu'il est maintenant? N'est-ce pas au cachot? Parce qu'on lui a fait un budget pour indemniser les gens d'autres hectares, mais il a fait le tricher. Maintenant, où est-ce qu'il est? Il était nommé par décret, je pense. Il est en prison. Il doit répondre à la justice. C'est juste un exemple récent. Il y en a même beaucoup d'autres. Donc, il n'y a pas question qu'ils soient membres ou pas. Toutes les personnes malfaiteurs ne sont pas des anges. Ils doivent être épinés. Et c'est cela dans le monde entier. C'est pourquoi il y a toujours les parquets, il y a la police. Et c'est comme ça. Il y a l'administration, il y a l'ordre dans le pays. Et on doit veiller, justement, en République. Est-ce qu'ils ont été attrapés, ceux qui ont été cités comme faisant partie de ces comités mixtes de sécurité, mais qui font des bavures dans ces localités où ils sont, monsieur le porte-parole? Il n'y a pas deux jours, nous avons, la police a eu à communiquer sur un cas de ces criminels qui utilisaient les machettes, mm-hmm. qui avaient été appréhendés. Et parmi les personnes qui ont été présentées à la presse, il n'y avait pas des membres du comité mixte de sécurité. Mm-hmm. Et il est vrai qu'il y en a qui les citent, mais ceux qui sont souvent appréhendés ne font pas partie de ces comités mixtes de sécurité. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'un ou l'autre membre de ces comités mixtes de sécurité qui puisse commettre des crimes. Mm-hmm. Je pense que la police vous a présenté également un jour à Gatumba deux membres des comités mixtes de sécurité qui étaient complices des actes criminels. Mm-hmm. Donc, lorsqu'ils sont impliqués dans des actes de criminalité, eh bien, ils sont appréhendés et traduits devant la justice comme tout autres criminels. Mmh. C'est ce qui montre un état de droit. Dire que n'importe qui commet un crime est appréhendé et traduit devant la justice, c'est ce qui montre qu'on vit vraiment un état de droit. Là, justement, il n'y a pas très longtemps, il y a un officier de police qui aurait été victime à Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Il dit avoir été victime de ces actes des individus qui commettent ce genre de crime. Et c'est un officier de police, c'est... Oui, parce pas n'importe que, oui, ils sont aussi victimes de la criminalité. Il y en a qui ont été tués par les insurgés. Il y en a qui ont été enlevés, dont on ne sait plus où les retrouver maintenant. C'était des officiers de police, c'était des policiers. Ils sont aussi, malheureusement, victimes de la criminalité. Alors qui... C'est eux qui protègent les autres. Ce sont eux qui protègent les autres, mais oui. Des fois, ils sont aussi victimes. Malheureusement. Et qu'est-ce que vous en dites, honorable Terence? Merci. En ce qui concerne les comités dits mixtes de sécurité, mm-hmm. vraiment, il y a un constat amer parce que certains membres de ces comités s'aiment la pluie et le bon temps. Ce qui le prouve, c'est que ce sont ces mêmes membres de ces comités qui font même des patrouilles, entre guillemets, façon des patrouilles policières, etc., etc., et qui, des fois même, sont substituent aux forces de l'ordre, qui même... Ils font des patrouilles, mais ce sont des civils en grande partie. Des civils en grande partie. Mmh. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, on s'imagine quelle est la limite des membres de ces comités, dits mixtes de sécurité. Mmh. Une autre chose, c'est que aussi, il est vrai, on dit que ce sont des comités mixtes de sécurité, et la composition, des fois, on a toujours observé que ils sont, je dirais, composés essentiellement par, c'est pas les responsables administratifs, oui, certains jeunes, si vous voulez, affiliés aux partis politiques, et on voit que il y a d'autres qui sont considérés comme des parias dans la composition de ces comités, alors que la sécurité devait être contrôlée par l'apport ou la contribution de tout un chacun. C'est pourquoi alors il y a un hic, il y a quelque chose qui n'est pas bien clair dans la manière du fonctionnement de ce comité mixte de sécurité. Ce n'est pas bien clair. Je retourne directement chez le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngulikiye. Honorable Terence Manelambona parle de limites de ces membres des comités mixtes de sécurité. Leur rôle, c'est lequel? Ils ont quelles limites dans leur travail, dans leur mission? Ils n'ont qu'un rôle consultatif. Disons, oui. Essentiellement, ces membres des comités mixtes de sécurité, essentiellement des civils. Oui, ils n'ont qu'un rôle consultatif. Il y a une ordonnance conjointe qui met en place ces comités mixtes de sécurité et qui précise bien leurs tâches. Ce sont des gens qui appuient les forces de sécurité, surtout dans la prévention, en donnant toute information aux forces de sécurité. Mm-hmm. C'est là où se limite leur rôle. Dire qu'ils font des patrouilles... Qu'ils appréhendent des gens. Ce n'est pas vrai. Dans la nuit. Parce qu'une patrouille policière ou militaire, c'est technique. Mm-hmm. Il y a des règles de l'art. Et puis... dire que leur composition serait non inclusive, la police n'entrait pas dans la composition de ce comité, qui est d'ailleurs précisé par la même ordonnance. La police analyse si ces comités mixtes de sécurité sont réellement en train de jouer leur rôle d'appui aux forces de sécurité. C'est tout. Et dire que les membres de ce comité mixte de sécurité font la pluie et le beau temps. Ça, c'est exagéré. S'ils s'aimaient la pluie, là, on les arrêterait immédiatement. Mm-hmm. Mais s'ils s'aimaient le beau temps, là, on ne ferait qu'applaudir. Monsieur Terence Nahiraj, la limite de ces membres du comité mixte de sécurité, leur rôle, vous en savez quelque chose en tout cas. Qu'est-ce à dire? Pour poser la question, je voudrais d'abord remercier l'honorable Terence, mon ami qui est là, pour vous rappeler que, justement, les comités de sécurité sont composés par des membres provenant de la communauté locale à tous les niveaux, en tenant compte de la représentation multisectorielle selon le genre et l'âge. Mm-hmm. L'article 8 de la dite ordonnance conjointe qui a été signé par les deux ministres, celui en charge de l'intérieur et celui en charge de la sécurité publique, en dit clairement. Donc, je fais un exemple pour juste donner, concrétiser quelques précisions. Ici, c'est la composition. Et l'article 8 est clair. Donc, au niveau communal, prenons le, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau collinaire, il y a le niveau zonal, il y a le niveau communal, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Prenons le niveau communal. Il y a l'administration qui est représentée. Il y a la police qui est représentée. Il y a la justice qui est représentée. Il y a la population locale qui est représentée. Il y a aussi les associations, les membres de la société civile et les autres des partis politiques. Mmh. Pour la première partie, deux tiers, pour l'autre, un tiers, donc c'est la combinaison. Mmh. C'est pourquoi, quand ils collaborent très bien, il est très facile même de procéder à arrêter quelqu'un parce qu'il y a la police qui est là. Pourquoi? Il y a la quadrilogie qui se retrouve représentée au niveau de ce comité mixte de sécurité. Au niveau des... Est-ce qu'ils ont les prérogatives de faire des patrouilles la nuit? La dissonance définit le cahier de charge, clairement, de ce comité. Donc, prenons au niveau collinaire. Parfois, au niveau collinaire, il n'y a même pas de la police, n'est-ce pas? Ce que fait la population, quand elle remarque un cas anormal, elle doit signaler la police et l'administration pour agir. N'est-ce pas? Pour agir, n'est-ce pas? Mais en cas de flagrance, ça aussi, il faut comprendre. Parfois, il y a des gens qui se lamentent comme quoi nous avons vu une population civile qui a arrêté quelqu'un. S'il se trouve quelqu'un en train de tuer une autre personne, tu ne vas pas aller signaler à la police. Il faut d'abord attraper le malfaiteur, que vous soyez civil ou pas, parce que c'est le flagrant délit. À ce moment, on ne va pas attendre les procédures de la police. Et si le malfaiteur est en arme? Est en arme. On s'arrête pour attraper, en tout cas, il ne faut pas qu'il tire les gens comme ça, en plein air. C'est comme ça. C'est comme envoyer attraper un flagrant délit au marché ou ailleurs. Il est vrai, on l'attrape, on signale à la police, mais avant toute chose, il faut quand même agir avec le flagrant délit. La loi est claire et elle précise. Sinon, pour les autres cas, s'il y a une anomalie ou ça ne va pas, ce sont des civils, ils doivent se communiquer à la police qui a le droit, conformément à la loi, de procéder à l'arrestation du malfaiteur à ce moment. C'est bien défini, c'est clair. Alors, quelqu'un qui ferait ces actes en dehors de cela, il serait en train de violer en fait la loi. Ouais. Donc, c'est pour dire de façon générale que ces membres des comités mixtes de sécurité veillent la nuit comme le jour. En tout cas, s'il y a des malfaits, supposons qu'on est à la maison. Donc, il y a. On ne fait pas de patrouilles. On ne fait pas de patrouilles. Mais supposons que vous entendez. Ces membres des comités mixtes. Vous entendez un bruit dans un village. La même chose la nuit. Vous êtes à la maison, dans un village. Prenons Nyumbakumi, dans les 10 maisons. Oui. Il y a les voleurs qui attaquent et emménagent. Vous entendez des cris. Est-ce que vous allez croiser les bras? Parce que c'est la nuit. Toute la population doit se lever pour voir de quoi s'agit-il et pour sauver, se rendre compte de la situation. Et à ce moment, on doit agir quand même. Ça dépend des circonstances, ça dépend de l'effet, ça dépend de, comment dirais-je, de l'événement, de l'événement qui se produit. Le comportement est défini par l'événement qui se produit, n'est-ce pas? Sinon, quand la patrouille, c'est pour la police uniquement, ça vous le savez très bien. Mais, la police, on doit, et vous savez que tous les chefs colonels ont des téléphones. La première chose est de communiquer s'il y a ça ne va pas. Mais ce n'est pas pour les civils de faire des patrouilles là, c'est tout à fait compréhensible et c'est clair. Mais seules les forces de l'ordre ont le droit de patrouiller la nuit. Tout le monde le sait et c'est la loi qui le dit. Mais si quelque part les civils trouvent une anomalie ou attaquent, ils signalent à travers le comité de sécurité, ils communiquent les forces de l'ordre pour qu'ils puissent venir secourir par rapport à la situation. Voilà. Qui est normalement à la tête du comité mixte de sécurité? Ah, au niveau communal, c'est l'administrateur communal, bien sûr. Au niveau zonal, c'est le chef de zone. Au niveau collinaire, c'est le chef collinaire, c'est tout à fait normal. Mais c'est l'étude sectorielle et télémarque, toutes les tendances sont là. et pour choisir les personnes. Je ne sais pas qui choisit les membres. La place de, d'un agent de police ou d'un responsable de police. Et au cas où il y a position, c'est une position militaire. Il est au numéro 2, il n'est pas au numéro 1. Il est au numéro 2. C'est comme ça toujours. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Pierre Emoulikié, le porte-parole du ministère de la Sécurité? C'est un mot d'appréciation positive de l'action de ces comités mixtes de sécurité sur tout le territoire national du Burundi. Eh bien, ils font des choses louables. C'est grâce à eux que la police a des informations sur tout cas de criminalité qui allait se commettre. Et c'est grâce aux informations qui sont fournies par ces comités que la police intervient à temps pour pouvoir empêcher des crimes. Peut-être ce qui m'inquiète, c'est pas la mise en place de ces comités dits de sécurité, c'est plutôt la manière ou la façon dont ils fonctionnent. Sinon, la composition, oui, elle est mixte. Mais je disais tout à l'heure est que si on parle de la société civile, si on parle de l'administration, si on parle de la police, on voit que le choix de ces individus n'est pas du tout fait de façon transparente. Moi, j'ai toujours observé un cas, quelque part, où on disait sur une colline qu'il y avait ce comité, mais où alors les habitants de la colline se plaignaient de voir des gens qui sont des membres du comité, mais qui font des rondes nocturnes et qui même aillent faire des perquisitions dans les domiciles de leurs concitoyens. Alors, la police, qui devrait normalement faire ce travail en conformité avec la loi, c'est pas elle qui intervient dans l'urgence. C'est qui intervient. Donc, dans ce cas, on voit. À la place de la police. On voit qu'il y a ces gens-là, certains membres de ces comités, qui travaillent en connivence avec certains jeunes affiliés au parti au pouvoir, et qui font ce travail. C'est ce qui est très inquiétant. Ou alors, je demanderais que ce fonctionnement soit revu. Finalement, alors, c'est à qui qu'on donne le rapport? Bon, peut-être parce que l'assistant du ministre a déjà dit que c'est le chef de la colline ou l'administrateur qui devient le chef du comité. C'est l'administratif qui doit être responsable. C'est pourquoi alors... C'est à qui on donne le rapport en premier lieu. Alors, la première responsabilité alors reviendrait au chef de la colline ou bien au chef de la commune, selon le niveau, de faire son travail. Et aussi au niveau zonal. Voilà, en toute transparence. Ou bien dans le choix des membres de ces comités, ou dans la manière dont ils fonctionnent. Comme ça, cette transparence aiderait à ce qu'il n'y ait plus de bavure, ou bien des gens qui agissent sous le parapluie d'un parti politique, ou bien sous le parapluie d'une autorité policière, pour régler quelques difficultés qui s'observer sur une attitude. Donc, vous voulez dire par là qu'il peut y avoir des cas où la situation échappe à l'administration, alors que c'est l'administration qui devrait prendre le devant, qui devrait avoir le rapport de ces comités mixtes de sécurité. Donc, c'est un constat amer que j'observe. Normal, monsieur le porte-parole du ministère de la Sécurité. Ce n'est pas vrai. Tout d'abord, les fouilles et perquisitions dont il a parlé, les arrestations, sont généralement effectuées par soit la police, soit les parquets, les magistrats, les officiers du ministère public et des parquets. Et sur présentation des pièces judiciaires du mât délivré par la justice. Sauf pour en cas d'arrestation, pour le cas de flagrant délit de crime, là, toute personne est habilitée à pouvoir appréhender quelqu'un et le traduire immédiatement devant la police ou la justice. Et donc, tout d'abord, je me demande comment un membre du comité mixte de sécurité en civil pourrait faire une fouille et perquisition. Parce que une fouille et perquisition, ça se fait sur une présentation d'un mandat et après la fouille et perquisition, il y a un rapport. Si c'est le cas, ça dérange les ménages. Malheureusement, ça se fait. C'est ça ce qui est. Je pense qu'il a pris un cas isolé et il a vous généralisé. Nous avons plus de 3 000. Bon, je peux donner beaucoup d'exemples. S'il y a une dérapage, vous avez. S'il y a 3 000 coïdes, n'allez pas dire que c'est comme ça. Si vous avez besoin vraiment des exemples, je peux les donner. Dans différentes provinces. Le maçon. Nous aussi, nous recevons des rapports. Les gens nous communiquent de cette situation. Oui, pourquoi vraiment c'est un élu du peuple, il peut avoir des rapports de cette situation. Oui, mais après chaque fouille et perquisition. L'administration aussi, elle est bien présentée jusqu'à Yabakoumé, nous connaissons ce qui se passe. Oui. Nous avons des informations fiables quotidiennement. Et puis après chaque fouille et perquisition, il y a un rapport de perquisition qui est dressé. C'est ça. Et qui est transmis à l'officier du ministère public qui a donné le mandat. À qui alors cette personne-là civile donnerait à ce moment. L'honorable Terence a dit que quelquefois, il y a des rapports qui sont contournés, qui sont donnés non pas à l'administration, mais à quelqu'un d'autre. Il a parlé à des membres d'un parti politique. Il a cité le parti au pouvoir. C'est lui qui a fait ça. Nous sommes des élus du peuple, alors ce peuple même qui nous a mandaté nous donne des rapports. Il nous communique la situation dans laquelle il vit. Je pense que vraiment, c'est un cas normal. C'est pas vraiment un cas isolé. C'est vraiment des cas qui sont constatés ici. Ce qui se passe en dehors de la procédure. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun rapport. Des agents de communauté qui nous parlent de cette histoire. Il faudra le vérifier. Sinon, nous avons des rapports qui partent de tous ces éléments. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sécurité. Elle est bonne pour les uns. Ça ne va pas pour les autres, objet d'un débat, en tout cas aujourd'hui sur Isanganiro. 3 invités sont avec nous sur le plateau, Pierre Ngoulikié, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Terence Nahila Aja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur, ainsi que l'honorable Terence Manirambona, un député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amizero Yabarundi. Nous vous le disions tantôt, il devrait y avoir un quatrième invité, à savoir Léon Sengendakoumana, vice-président du parti Savoyen Frodebou, qui a eu un empêchement de dernière minute. Monsieur Terence Nahilaja, quand vous dites que la sécurité est bonne sur le territoire national, alors que le même jour, il y a l'une ou l'autre personne qui est tuée, ne voyez-vous pas qu'il y a risque que ceux qui commettent des forfaits de temps en temps aient une certaine force pour continuer? En aucun cas. Mais je vous ai signalé, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans le royaume des cieux où il n'y a aucun mal, aucun péché, aucun problème. Tant que nous sommes sur terre, les malfaiteurs et les bandits, il y en aura toujours. Et c'est pourquoi dans le monde entier, il y a les forces de l'ordre qui sont là pour collaborer avec la direction afin de traquer toutes les personnes qui tentent à perturber l'ordre public. Je voulais dire par là que s'il y a quelqu'un qui aurait commis un forfait à un endroit quelconque, ouais, et que quelques heures après, il y a l'autorité publique qui dit que la sécurité est bonne et tout est calme, tout est bien. Est-ce que ça ne donne pas de la force? Moi, j'aurais bien dit, mais j'ai dit que les bandits, les voleurs, les malfaiteurs sont toujours là et nous sommes là pour les traquer, pour les punir, pour sanctionner. C'est pourquoi les prisons du Burundi sont remplies de malfaiteurs. C'est des criminels qui sont attrapés par la police, en collaboration, bien sûr, avec l'administration et la population. Et alors, tout est... celui qui aurait commis un forfait, qui n'est pas connu, je ne dirais pas qu'il est arrivé. Tant qu'il sera attrapé, il doit être sanctionné. Mais comment est-ce qu'il ne peut pas être connu avec ce comité mixte de sécurité dont on parlait tantôt? Je pense que même avec le policier, son présent, même avec, les colis, même avec le push du 13 mai 2015, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont attrapés, c'est toujours comme ça. Il y a les malfaiteurs qui commettent les forfaits et qui se font réfugier dans différents cas de réfugiés, ils sont là, avec à vérifier. Il y en a même qui ont fui les prisons et qui sont là. Ça arrive, mon cher ami. C'est pas un mur, je dirais, blindé, qui clôture tout le monde et qui ne peut pas fuir. Il y a toujours les malfaiteurs qui fuient, il y en a qui sont attrapés. C'est pourquoi il y a toujours les enquêtes. Qu'est-ce que vous en dites, honorable Terence? Bon, ce que je peux dire à propos de cette intervention, c'est que nous avons connu beaucoup de situations d'enlèvement, de torture, c'est pas même de tuer. Malheureusement, les enquêtes qui commencent, je dirais, n'aboutissent même pas, parce qu'on ne communique pas la finalité de ces enquêtes. Il y a des gens qui ont été tués dans des circonstances obscures. Il y a des gens qui ont été arrêtés par des gens connus, ou bien par des véhicules qui ont été bien identifiés, et où même, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toujours, on ne connaît pas si les auteurs ont été arrêtés. Ou bien, si ça devenait qu'il y ait des gens qui soient arrêtés, deux fois, on voit que ce sont des boucs émissaires. Dans ce cas-là, on s'imagine, est-ce que réellement, des auteurs qui sont arrêtés pour avoir commis de tels crimes, ce sont les vrais auteurs? Ou bien, si les enquêtes sont menées par rapport à ces crimes commis, est-ce qu'ils sont punis conformément à la loi? Donc, il y a des cas vraiment qui n'ont pas été bien élucidés, qui n'ont pas été portés à la connaissance de la population, et surtout dans un pays qui a connu beaucoup de violences, beaucoup de meurtres, beaucoup même des massacres. Nous avons vraiment besoin de panser les plaies issues de l'histoire de notre pays qui a été émaillée pour la plupart des fois par des assassinats et autres forfaits. Est-ce que ceux qui sont arrêtés sont toujours les vrais auteurs de crimes, monsieur le porte-parole du ministère de la Sécurité? Dans un premier temps, il y a des moments où toutes les personnes appréhendées ne sont pas nécessairement les vrais auteurs. On arrête tout l'ensemble d'individus. Pas tout l'ensemble, mais c'est pourquoi ils sont présumés. C'est à la justice de dire s'ils sont coupables ou pas. Et ce n'est pas à la police. Au niveau de l'enquête de la police, là, on collecte les traces et indices à charge des criminels, on les appréhende même, ces criminels, et puis on met tout dans un dossier que l'on transmet au parquet avec ou sans ces présumés ou tels qui ont été appréhendés. Le travail de l'enquête de la police se limite là-bas, et au niveau des parquets, c'est là où ils transmettent le dossier, ils poursuivent le dossier devant les juridictions, et c'est au juge alors de dire le droit et de condamner ou d'acquitter. Qui travaille sur ce qui a été donné par la police. Oui, mais il a le droit de faire des enquêtes complémentaires, et puis il n'est pas lié à 100% aux conclusions de la police. Il peut même exiger à ce que certaines tâches de l'enquête de la police soient refaites. Tout dépend de l'enquête. Oui. Terence Nahiraj, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il y a Terence Manilambona, député de l'Assemblée nationale, qui se lamente que ceux qui sont arrêtés ne sont pas nécessairement ceux qui commettent des crimes, des forfaits. C'est pourquoi, monsieur le journaliste, c'est aussi de le conseiller de présumer les auteurs. Vous savez, quand il y a eu un crime quelque part, toutes les personnes soupçonnées peuvent être appréhendées, c'est normal pour les enquêtes. Mais c'est après les enquêtes qu'on va identifier qui est vrai auteur. Mais il peut y avoir quelqu'un qui est vrai auteur de crime qui a eu lieu, qui ne se plaint pas, qui ne s'inquiète de rien. Ça peut arriver parce qu'il n'est pas soupçonné. Mais avec les enquêtes approfondies, c'est pourquoi à un moment donné, au même endroit, vous trouverez qu'il y a d'autres associations qui sont faux et d'autres libérations. C'est à travers la lumière donnée par ceux qui sont attrapés que le juge ou le policier s'informe et découvre en fait la réalité du dossier. Et à ce moment, justement, il doit continuer à poursuivre. Et à un moment donné, il peut arriver. Parce que si une fois le malfaiteur n'a pas été identifié qui est là, parfois il fuit. Il voit que certains sont attrapés, vous trouvez qu'il y a certaines personnes qui fuient vos lieux. C'est-à-dire que ces personnes-là aussi, ils s'accusent de quelque chose. Ils, voilà, après, c'est que c'est comme ça. Et ils disparaissent comme ça. Parce qu'ils disent, voilà, hé, tel est attrapé, il va me dire parce qu'il m'avait vu. Et ils savent. C'est comme ça, en fait, que se faisant cette situation. Et puis, quand Honorable Terence a dit que vraiment, parfois, on a fait des enquêtes, on a attrapé, mais on ne connaît pas la suite. Et vous savez que la police fait son travail quotidiennement. Et chaque fois, quand je fais des enquêtes, je voudrais remercier le porte-parole de la sécurité publique qui, chaque fois, appelle les médias pour présenter la situation. Mais après les investigations de la police, les dossiers sont transmis à la justice, au parquet. Et c'est le parquet qui conduit ces enquêtes. Et à un moment donné, les dossiers sont clôturés, mais parfois la population n'est pas informée. Vous savez qu'il y a des milliers de prisonniers qui ont commis des forfaits, qui sont dans les prisons. Et quand la justice a clôturé un dossier, elle n'est pas obligée d'appeler les médias pour communiquer. Si quelqu'un est socialisé ou ne comprend pas, il peut aller auprès de la justice pour vérifier la suite du dossier de tel cas, comme l'a dit Honorable, et il pourra alors assembler tout ça. Et dans ses propos, oui, c'est ouvert. Dans ses propos, il a aussi parlé de l'histoire du Burundi qui a été marquée par les assassinats. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi il y a la sévère. Il y a des actes ignobles qui ont été posés dans notre pays, qui sont même compliqués pour les enquêtes, et c'est pourquoi. Avec la Cour d'argent, on s'est attendu qu'on doit mettre une commission de réconciliation qui va aider, qui fait son travail. Il a déjà commencé son travail. Si vous avez vu l'exemple d'Omoaro avec Fosse Commune, une centaine d'Omoaro seulement, et parfois c'est terrible, mais on doit recevoir comme ça. Nous sommes dans la réconciliation. Le travail continue. Je demanderai à l'honorable de patienter pour ces cas de l'histoire du Burundi. Nous connaîtrons la vérité, mais l'essentiel est que les Burundais changent nos comportements et c'est même mutuellement comme nous recommande la parole de Dieu. En attendant, ces vérités ou cette vérité, ces individus qui commettent des forfaits, même s'ils sont, disons, moins nombreux aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus forts que les forces de défense et de sécurité? Non, pas du tout. Les criminels ne sont jamais plus forts que les forces de défense et de sécurité. Parce que plus de 95% sont appréhendés et traduits devant la justice. Il y en a qui ne sont pas appréhendés. Cela arrive parce que les criminels ne sont pas aussi dupes. Quand ils commettent les crimes, ils les préparent bien, ils les planifient et ils utilisent des stratégies qui permettent de s'échapper à la vigilance des forces de sécurité. Mais lorsqu'il y a plus de 95% qui sont appréhendés, cela veut dire qu'ils ne peuvent en aucun cas être plus forts que les forces de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a justement des manières de les mettre hors d'état de nuire. Bien sûr, et il y a des manières de les mettre hors d'état de nuire, mais il n'y a pas moyen d'en découdre définitivement avec la criminalité. Vous savez que le mal fait partie de la nature de l'homme, et partout où il y a un homme, il y a toujours le mal. Et tout ce que fait les forces de sécurité, c'est de pouvoir au moins maintenir cette criminalité à un seuil où la vie est possible et normale dans une société. Donc, justement, j'allais vous demander de proposer ou de donner des solutions à cette situation en vue de ne plus assister à ces genres de crimes, des enlèvements, des tortures dont on parle ici et là, des disparitions. Là, dire qu'il y a des stratégies pour pouvoir ne plus assister à un crime, là, il y a moyen de mettre fin à cette situation. Et mettre fin définitivement, cela n'est pas possible pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Tout ce qui est possible, c'est de faire le mieux, le maximum, pour permettre à la vie de se dérouler normalement dans une société. Donc, maintenir la criminalité à un seuil où la vie pour l'homme est possible dans une société. Voilà, c'est tout ce que les forces de sécurité, tout le monde peut faire. Mais dire qu'un jour, on arrivera à une situation sans criminalité dans un pays, cela, on serait vraiment en train de mentir. Comment donc on peut arriver à améliorer la situation sécuritaire, c'est de respecter la loi. Il faut que tout le monde respecte la loi le musicien Kofi Olomide d'ici au Congo le dit bien que si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Donc, c'est ce qu'il dit dans sa chanson. Il suffit que tout le monde respecte la loi, et bien, on vivra comme s'il n'y avait pas de loi dans la société. Que chacun respecte la loi au niveau de la police, au niveau de la coalition Amizero Barundi également, honorable Terence Manila Mbunda. Pour moi, peut-être, c'est d'abord de faire ce constat que les atrocités qui sont commises au Burundi, vraiment, nous en avons assez. Il faut que ces situations se terminent. Mmh. Alors, ma proposition, c'est justement le respect de la loi pour que les choses aillent dans un bon chemin. Mais aussi, il y a un écrivain qui disait qu'il n'y a que de pire tyrannie et que celle qui se cache sous l'ombre de la loi. Alors, je demanderai au ministère de l'Intérieur et que tous les administratifs inspire la confiance de tout le peuple burundais. Dans ce cas, le respect de la loi sera une réalité. Pour dire que ça n'inspire pas confiance aujourd'hui. Oui, si il y a une forme d'exclusion, s'il y a une forme de considérer des gens comme des parias, comme inexistants, ça montre que vraiment, dans ce cas, il y a quelque chose à améliorer. Une autre chose, c'est que... Ça vous frappe? Oui, ça nous frappe fortement. Une autre chose, c'est de faire à ce que vraiment notre police soit une police professionnelle. Nous avons vu des cas où les policiers se comportent en hommes politiques, où ils collaborent avec certains hommes politiques et même, je dirais, des fois, se substituent. Que la police collabore avec certains hommes politiques, pas les autres. Non, il faut vraiment. Une partie de politiciens. Certains, je disais qu'il faut que cette collaboration soit orientée dans tous les sens. C'est ça ma proposition. Une autre chose, c'est que aussi, les enquêtes. Nous avons dit que nous avons connu beaucoup d'atrocités. Il faut que les enquêtes qui commencent se terminent et que l'issue de ces enquêtes soit portée à la connaissance des Burundais. Parce que tout ce qui se fait, on attend, même les parquets, même les juridictions qui sont chargées de mettre la lumière sur ces cas, vraiment ne donnent pas de lumière sur l'issue de ces des cas ou des crimes qui ont été commis. Donc c'est pour dire que certains dossiers qui sont traités au niveau de la police ne sont pas connus, donc les résultats ne sont pas connus. Voilà la finalité. C'est ça ce qui est inquiétant. Mais aussi je disais qu'il y a des beaux commissaires qui sont dans les geôles, qui passent des temps, des mois et des années sans être jugés. Et dans ce cas, je disais que ce sont des gens que je considère comme des boucs émissaires. C'est pourquoi je disais, peut-être que les vrais auteurs ou les présumés auteurs n'ont pas été appréhendés. Alors je demandais que la justice fasse son travail pour que toute personne qui est responsable d'un crime ou d'une infraction soit punie conformément à la loi. Oui, ça vous tente ça vous dit quelque chose? Oui, quand il dit qu'il y a des policiers qui se comportent comme des politiciens ou qui ont des penchants politiques, je ne suis pas d'accord parce que notre déontologie nous recommande d'être impartial. Si la police penchait vers un côté au niveau des politiciens, pas vers un autre, oui, ça serait le pire. La police essaie d'être au milieu. Le problème, c'est que pour la plupart des fois, il y a certains politiciens, certaines formations politiques qui veulent faire leur politique sans respecter la loi. Quand quelqu'un organise... Donc, de manière générale, vous rassurez, oui, la coalition Amizero va nous les représenter ici par l'honorable Terence de manière... Nous rassurons tout le monde et l'honorable ne va pas me contredire. Il sait très bien que des honorables de sa formation politique sont protégés par la police. Il y en a même qui ont des agents de la garde des rapports. Ils sont filés, malheureusement. Des filatures. Si, ils sont filés alors qu'ils ont des policiers avec eux. Là même la police n'a pas droit à rencontrer le peuple qui ont élu. Terence Naïraja, un mot à placer. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Ici, j'aimerais rappeler tout Burundais que la Constitution de la République leur donne le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Et puis, j'aimerais rappeler au peuple burundais que le gouvernement a mis en place toutes les dispositions nécessaires, institutions et autres, pour garantir la sécurité. Il s'agit notamment du ministère de la Sécurité publique, il y a le ministère de la Défense nationale des anciens combattants, il y a le ministère de l'Intérieur, de la Formation patriotique, il y a le ministère de la Justice, et on travaille en collaboration. Il y a le Conseil national de sécurité, et l'article 270 de la Constitution en parle plus. Il y a également les comités mixtes de sécurité pour justement coordonner cette invitation que la Constitution fait à la population. Il ne faut pas que ce travail se fasse en désordre. Et puis, pour continuer effectivement, j'aimerais demander au Conseil ministériel de Burundi de respecter la loi dans les activités telles qu'elle est écrite. Je demanderai également à la police justement de ne pas être penchant, de rester toujours au milieu, comme vient de le déclarer justement le porte-parole des ministères. Et enfin, je demanderai à tout Burundi de respecter la loi. Tout ira bien. Merci. Merci Terence Naïda Ajra. Je rappelle que vous êtes l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre contribution. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci chers amis et chers auditeurs. Un grand merci est adressé à vous. Merci Pierre Ngoulikier, vous êtes le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Merci d'avoir participé, merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à vous, honorable Terence Manirambona, député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amizero ya Barundi. Merci de votre contribution. Je vous remercie également, mais aussi à mes collègues ici présents, je les demanderai de joindre... La coalition. Non, de joindre la parole aux actes. Comme ça, inspirer la confiance de tout Burundais. Malheureusement, c'est un constat qui arrive. Oh non, non, Angela, c'est tout à fait. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la sécurité dans le pays. La mise en onde était assurée par Séraphine Hakizimana. Charles Makoto était à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.